On va parler avec notre ami Pascal Masson de RDS, on va le dire, parce que RDS a eu un bel honneur. Je pense que j'y ai appris. Salut Pascal. Salut Dan. Pascal, prix Gémeaux pour l'équipe de football de RDS. Les gens ne savent pas trop, mais tu es dans l'équipe de football de RDS, là. Fait que t'es là Ben, pareil, puis bravo. on en fait partie comme substitut, mais effectivement, là, l'équipe qui est en place fait du bon boulot, puis on est bien fiers de faire partie de cette T'es équipe-là. sur l'équipe l'équipe de De pratique. remplacement. Oui, l'équipe de pratique, effectivement. Les Alouettes, on dit tout le temps, Pascal, que la vraie saison de la SCF commence au mois de septembre, à la fête du travail. Puis là, je regarde le calendrier des Alouettes. Dans les prochaines semaines, c'est là qu'on va avoir une très, très bonne idée de ce qu'est l'équipe. Demain, en Saskatchewan, terrain hostile. Abichi, les Lions ont vraiment de la difficulté cette année, c'est risible. Par contre, les Alouettes, historiquement parlant, n'ont jamais connu de beaucoup de succès. Par la suite, les Stampeders, les Bombers, ça va être. C'est l'enfer. C'est là qu'on va savoir vraiment. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a gagné les matchs qu'il fallait gagner. Oui, effectivement. Puis tu as raison que les prochaines semaines, ça s'annonce ardu pour les Alouettes. Puis avant même de se rendre à BC, on voit Winnipeg aussi. On va voir Winnipeg deux fois en quelques semaines rapprochées. Donc, ça va être très intéressant pour les Alouettes de voir la force de caractère si on continue à jouer de la façon qu'on joue en ce moment. Puis de la façon qu'on joue en ce moment, c'est avec beaucoup de caractère et on est convaincant, donc ça va être intéressant de voir si on poursuit sur cette lancée-là. J'ai hâte de voir. Et là, Johnson est blessé, ne sera pas là avant le substitut de William Stenback. Donc, par contre, faut utiliser plus Stenback, c'est ça? Ben là, oui, Stenback, c'est notre cheval, là. Ouais. C'est lui qui nous donne souvent l'étincelle Ah oui, nécessaire effectivement. à l'attaque et ce qui enlève beaucoup de pression sur notre carrière. Donc, Stenback, c'est pour moi la pièce maîtresse de cette unité-là, de cette équipe-là, en fait, parce que Stenback, s'il est en mesure de bien courir, on garde notre défense plus longtemps sur le banc, donc plus reposé. On enlève du momentum à l'autre équipe. Donc, il faut que Stenback reste en santé. Il faut qu'on soit en mesure de lui ouvrir des bonnes brèches du côté de la ligne à l'attaque. Et le succès des Alouettes passe par ça. OK. Pascal, je veux te parler. Cette semaine, j'ai eu Mathieu Bette en entrevue. Mathieu Bette qui a été retranché par les Bears de Chicago. Là, il s'en va dans la LCF avec les Eskimos. Je me suis posé la question. Tu sais, l'année passée, quand Johnny Manziel est arrivé avec les Alouettes, on disait qu'un carrière, ça prend un an avant de bien s'assimiler. Mathieu Bette a joué dans la LCF récemment. Dans la NFL avec les Bears de Chicago, là, j'ai posé la question, puis il ne savait pas vraiment. Il dit, j'ai pas joué encore beaucoup. Mais toi, d'après toi, comment ça peut prendre de temps avec Mathieu Bett soit dominant? C'est sûr qu'il a dû apprendre et ainsi de suite. Il jouera pas dans une même position. Mais tout revenir à son naturel, puisqu'il jouait avec le Rouge et Or, avec les règlements de la Ligue canadienne, mais ainsi de suite. Est-ce que ça peut prendre un certain temps? Ben écoute, là, tu sais, pour prendre la phrase que tu as utilisée concernant les carrières, ça prend minimum un an, si c'est pas deux, tu sais, Ouais. si c'est pas trois. Donc, non, c'est moins pire pour Mathieu Betts qu'un carrière américain. Ça, c'est définitif. Cependant, ça va y prendre un ajustement parce que c'est une ligue professionnelle. De l'autre côté, ben, le football canadien, il connaît quand même bien, hein. Il a joué 4 ans pour la Ligue universitaire canadienne, qui sont les mêmes règlements là, pratiquement que le professionnel. Il y a des modifications de cahier de jeu, de schéma défensif qu'il devra assimiler. Connaissant bien quand même Mathieu Betts, c'est un joueur tellement intelligent, tellement proactif. C'est un student of the game, c'est un gars qui va prendre ça au sérieux. Et il va se préparer en condition. Moi, je prévois un ajustement de Mathieu Betts quand même assez rapide, là. En quelques semaines, on va voir Mathieu Betts être impliqué probablement sur quelques. Ben, j'ai juste le mot package, là, mais tu sais, des fois, en tout cas, un nombre de joueurs là, ciblés pour certains jeux, ben, Mathieu Betts, on va le voir apparaître, là, je suis pas mal sûr, assez rapidement au niveau d'Edmonton. Puis on va définitivement le lancer dans l'action des unités spéciales très rapidement aussi pour justement lui donner des kilomètres là, du galon un peu plus, tu sais, sans en enlevant un peu de la pression. Okay. Pascal, je vais te parler en terminant du Rouge et Noir d'Ottawa qui se sont fait torcher 46-17 contre les Argonauts de Toronto vendredi, la semaine passée. Alors, les Argonauts ont se posé des questions, combien de matchs ils vont gagner, et finalement, ils sont sur le point de rattraper le Rouge et Noir, qui les Argonauts depuis un mois, ça va beaucoup mieux. Est-ce que c'est seulement la perte de Trevor Harris qui fait ça? Non. Ottawa ont perdu beaucoup, beaucoup. Même si Trevor Harris était c'est le leader, c'est le leader. Oui. Mais si Trevor Harris était resté dans cette équipe-là en ce moment avec la perte de toutes les autres joueurs. C'est difficile aussi, je pense. Hein? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, Trevor Harris, s'il avait resté dans cette équipe-là, il ne serait pas 3 victoires, 8 défaites. Il serait peut-être 5 victoires, 6 défaites. Il serait peut-être 4 victoires, 7 défaites. Mais il ne serait pas 9 victoires, 2 défaites. Ouais. Je suis convaincu parce que Trevor Harris, c'est une perte importante. Convaincu à 100%. Mais toutes les autres pertes à côté, les receveurs de passe, joueurs de ligne, porteurs de ballon. Écoute, défensivement, on a perdu quelques joueurs également. On a laissé aller beaucoup de joueurs du côté d'Ottawa. Et cette équipe-là, en ce moment, fait partie des trois équipes de la Ligue canadienne qui attendent la prochaine saison. C'est surprenant pareil, parce qu'ils ont toute qu'une organisation. Marcel Desjardins, c'est tout qu'un directeur général. Tu sais, Marcel Desjardins, j'ai souvent dit, avec les Alouettes, ça aurait été bon, ça, à la place de Kevin Sri. Rick Campbell, c'est un des bons entraîneurs des Canadiens de football. J'ai l'impression qu'il va y avoir un certain ménage qui va se faire à Ottawa, mais il y a des bons effectifs pareils. C'est peut-être juste une année oubliée, non? Ben moi, je pense que du côté d'Ottawa, c'est beaucoup moins épeurant que, mettons, à Toronto. Ouais. Je trouve que du côté d'Ottawa, effectivement, on a pris des décisions qui ont fait qu'on se retrouve dans une situation de 3 victoires, 8 défaites. Cependant, ils peuvent bâtir sur cette équipe-là pour éventuellement être beaucoup mieux l'an prochain, dans un avenir très rapproché. Je ne crois pas qu'on se retrouve dans un creux où il va falloir attendre 2-3 ans. Là. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, je crois, personnellement, du côté d'Ottawa. Du côté de Toronto, je pense qu'ils on dit ça va un peu mieux. Oui, ils ont fait une grosse victoire contre Ottawa, mais ils ont baigné une 2 victoires encore. Ils sont très fragiles. Défensivement, il faudrait reconstruire la défense au complet du côté de Toronto. Les unités spéciales, c'est pas super chic non plus. Donc, moi, je trouve ça un peu plus épeurant. Et tandis que du côté de BC, on n'a pas non plus un beau un beau portrait, mais je crois, je continue à croire en mon bon ami Clay Brooks pour réussir à mettre le tout à sa sauce tranquillement et revenir là, dans le portrait de remettre le BC sur la carte comme ils étaient auparavant. Là. OK. Pascal, gros merci, on s'en parle vendredi prochain. Fait plaisir. Commentaire de Pascal Masson.